il est très exactement 14h, Michel avec vous, jusqu'à 15h30, comme chaque dimanche. Comme chaque dimanche, sauf dimanche dernier, où malheureusement, ben, on a eu une grosse panne sur l'émetteur de la radio. Alors on est revenu avec notre accordéon, on est revenu avec tout ça. J'espère que vous m'écoutez, vous m'entendrez même au sud de Gien, comme me dit monsieur tout à l'heure. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon après-midi. Et puis voilà. Alors on va démarrer tout de suite avec Gilles Sabi, c'est les régions. Et ce sera la belle Auvergnate et ma petite fleur de gentiane de Jean Vessade. Voici Gilles Sabi. Écoutez, Gilles Sabi, ma fleur de gentiane, et auparavant, ma belle Auvergnate, la belle Auvergnate. Alors, on va demander à Gilles Sabi de se taire, on va pas écouter maintenant Aurélie Gourbert, oui, c'est nouveau, et Charlotte Buch dans un medley de valse. on écoute maintenant De Bourrée, interprété par Gilles Sabilly, extrait de son CD Mon pays d'Espalion. Ça s'appelle La Bourrée d'Aubrac et La Planète de Jean Vessade. De Jean Vessade, c'est tout, ça s'arrêtera là. Continue bien sûr avec l'accordéon, la marche d'accord des montagnes, musique de Frédéric Buch, interprétée par Frédéric Buch, Myriam et Charlotte, et cet extrait d'un DVD, Ma belle Lorraine. on continue bien sûr avec l'accordéon, et cette fois-ci ce sera Angelina Irène et Jean-Désiré Bailly, et ça s'intitule, j'ai perdu le titre, Trompette et Cabrette. C'est une valse demandée de la part de Simone pour tous ses amis de l'accordéon, pour le Mamie Geneviève et pour l'animateur. Merci Simone. Et surtout, ne restez pas en panne de chauffage, vous pourriez attraper, comme disait mon grand-père, un chauffroidi. En Berrichon, un chaufferdi. On continue donc avec Jean-Désiré Bailly. Jean-Désiré Bailly. Pourquoi j'ai dit des bêtises là? C'est pas trompette et cabrette du tout, c'est... Ah, ça va mal, là, ça va mal. 15 jours sans accordéon, je suis perdu. Jean-Désiré Bailly, ça s'intitule donc Amour et Passion. Voilà ce qu'on appelle un disque rayé. Ah, décidément. J'ai pas de chance le dimanche. Ça ira peut-être mieux demain. Bon, alors, sombré au remonté, on s'arrête. C'était Gilles Sabi, mais Gilles Sabi, il a le hockey. Chacha de la détente, Gilles Sabi. On va écouter maintenant quelqu'un qui a fait des émissions. Non. Quelqu'un qui a fait des émissions avec moi le lundi, un certain temps, sur Radio Arc-en-Ciel. Il a arrêté parce que, ben oui, parce qu'il travaillait le week-end sur les bords de Marne, et le lundi, ben il dormait, voilà. Et il venait toutes les semaines de Malesherbes. C'est Olivier Sélac, et Olivier Sélac va nous interpréter balade accordéon. Arc-en-ciel, 96.2. La FM en couleur. On continue avec une valse signée Jean-Désiré Bailly. Elle s'intitule Les Orphelins avec Angelina Irène. Une valse demandée par Mamie Geneviève pour Simone et pour l'animateur. Merci et puis bon après-midi au coin du feu. C'est tout le mal que je puisse vous souhaiter. ébahi, la nuit de Noël. On écoute maintenant Pierre Péribois. Pierre Péribois, que j'ai invité deux fois. La deuxième fois, il n'est pas venu. Je ne sais pas pourquoi, je ne saurais certainement pas pourquoi. Jamais. Pierre Péribois, j'ai pleuré sur tes pas. Célèbre de Jean Désiré Bailly avec Angelina Irène et ça s'intitule, vous la connaissez tous, La Rivière. Et c'est exceptionnel, ils chantent tous les deux. Cherchait pour s'amuser. Parce que je ne passe jamais, j'en dirais ébahi, à part, ça fait 3 ans à peu près, tous les ans, à l'occasion de l'anniversaire de son décès au mois d'octobre, je faisais venir de Giens, un de ses anciens chanteurs. Alors pour une fois, je le passe, on m'a dit que maintenant c'est vieillot. Ben oui madame, mais je regrette beaucoup. Je ne suis pas responsable des programmes de Radio Arc-en-Ciel, d'une part, et d'autre part, nous avons actuellement une grille tout à fait spéciale, ce qu'on appelle la grille de déconfinement, et on ne fait pas ce qu'on veut. Et en 2 jours, je suis obligé de bloquer 3 jours d'accordéon. Donc il faut bien me comprendre, et il faut bien mettre les choses au point. Hein. Et puis, vous savez, je vais vous dire quelque chose, personne ne vous oblige à écouter Radio Arc-en-Ciel, c'est dommage. Mais bon, c'est comme ça. On ne peut pas plaire à tout le monde. On écoute maintenant James Michaud, non pas Pascal, James Michaud, le Charentais, qui nous interprète La Gentille Charentaise. Charente au Sable d'Olonne, il n'y a pas tel si loin. On va écouter Les Vacances Sablaises de Christophe Lampideccia. Les Vacances Sablaises. Ah, c'est quelque chose de voir ça. tout près du midi attentif, il est un plus merveilleux. Plein jeu de sable fin, une ambiance magique, on y vit, on y est heureux. Belle de la côte de lumière, on y trouve tous les loisirs. Un seul jour en ce lieu et vous serez conquis, car c'est un vrai paradis. Les sables de l'or, nos clairs printemps, quand tout roule bien vite au fil du temps. Les sables de l'or, nos grands soleils, ces jours d'été à nul autre pareil. De l'orne, grisant les cœurs, comme à Vérone, l'amour est charmant. Au sein de l'orne, l'hiver est si doux, le soleil est au rendez-vous. Port de pêche, port de plaisance, c'est l'Atlantique qui s'offre à vous. Belle île où noir et métier, on y est en partant. Vendée Globe pour le Pérou. Quand tout renaît bien vite au fil du temps. Les saints de l'or, nos grands soleils, ces jours d'été à nul autre pareil. Au sable de l'or, grisant les cœurs, comme à Vérone, l'amour est charmant. Au sable de l'or, l'hiver est si doux, le soleil est au rendez-vous. J'ai un petit clown dans mon cœur, pour moi c'est le vrai bonheur. J'ai un petit clown dans la tête, pour moi c'est toujours. Petit clown par Pierre Feller. Charente avec James Michaud, l'Espagnol charentais.

Eh bien, il y a quelques années, si vous écoutiez, si vous regardiez plutôt la télévision les après-midi, la chanson chanson, vous avez connu bien sûr Pascal Sevran, et on écoutait un accordéoniste belge qui participait à cette émission, vous vous rappelez certainement de Zinzin. Zinzin, c'était le surnom que Pascal avait donné à un accordéoniste qui s'appelait de son vrai nom Bruno de Smet. Voici donc Bruno de Smet dans quelques petits instants. J'aurais mis la main dessus, si j'ose dire. On va baisser un petit peu. On va attendre quelques petites secondes, que voici Bruno de Smet. Et ça s'intitule « À la prive ». Bien, je crois que c'est la première fois que je passe tant d'accordéonistes différents. Et oui, les pauvres accordéonistes actuellement, ben, ils sont privés de thé dans le sang. Et c'est pas marrant du tout. Le petit cha-cha charentais, James Michaud. Ce soir de chanter, même les gazelles qui sont si belles vont rêver ce soir sur cette chanson-là. Pourquoi pas elles qui sont si belles ne danseraient pas ce soir sur cette terre-là. Les enfants du monde par James Michaud. Avec Bernard Ruval et son ensemble. Et on va écouter un air de Cabrette. On revient en Auvergne, puisqu'on me demande de passer beaucoup de régions, donc je retourne en Auvergne. Il est 14h17, la pendule de Radio Arc-en-Ciel. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h30. La vie est belle sur Arc-en-Ciel. Que l'on a dansé tout au long de la soirée, et l'on tourne en rond avec les blonds flots de l'accordéon. se balle musette, une petite guinguette chez la petite Arlette. C'est à ce projet que l'on a dansé tout au long de la soirée. Et l'on tourne en rond avec les flonflons de l'accordéon. Pardon. Nathalie Rode et Bernard Rual maintenant, et ce sera un medley d'Auvergne, bien entendu. De l'animateur pour Monique qui m'a appelé tout à l'heure en lui souhaitant un bon séjour en Auvergne. change de région maintenant, on part en Bretagne avec l'Orse Join. L'Orse Join, je dis bien la barde, Lord l'Orse Join. Et le titre, La Brune de Langoëlan. Il y a une jolie brune à Langoëlan. Il y a une jolie brune. Elle est si belle par foi et par beauté qu'elle a charmé le cœur d'un jeune boucher. Elle est si belle par foi et par beauté qu'elle a charmé le cœur d'un jeune boucher. Belle charcutière, aimes-tu la saucisse? Belle charcutière, aimes-tu la saucisse? Je l'aime bien, si elle est bien poivrée. Tu n'en as pas, tu n'es qu'un jeune boucher. Je l'aime bien, si elle est bien poivrée. Tu n'en as pas, tu n'es qu'un jeune boucher. Détrompe-toi, charcutière naïve. Détrompe-toi, charcutière naïve. Il m'en reste une dans mon équipement. C'est le présent offert par ton amant. Il m'en reste une dans mon équipement. C'est le présent offert par ton amant. Jeune boucher, ta saucisse est trop grosse. Jeune boucher, ta saucisse est trop grosse. Elle pourra pas faire ma digestion. Boucher, tu ne mourras pas de cette façon. Elle ne pourra pas faire ma digestion. Boucher, tu ne mourras pas de cette façon. Je suis qu'un jeune boucher, belle charcutière. Je suis qu'un jeune boucher, belle charcutière. Je n'ai passé que peu d'années ici. Mais si tu veux, apprenons dans ton lit. Je n'ai passé que peu d'années ici. Mais si tu veux, apprenons dans ton lit. Jeune boucher, tu vas vite en besogne. Jeune boucher, tu vas vite en besogne. Comme tu l'as dit, j'ai grande naïveté. As-tu sur toi ton carnet de santé? Comme tu l'as dit, j'ai grande naïveté. As-tu sur toi ton carnet de santé? De quoi te mets, fis-tu belle charcutière? De quoi te mets, fis-tu belle charcutière? J'ai dans ma poche du boyau bien suifé. Ton inquiétude, elle n'est pas bien fondée. J'ai dans ma poche du boyau bien suifé. Ton inquiétude, elle n'est pas bien fondée. Tu parles trop. Eh bien voilà, un disque qui s'arrête tout seul, maintenant c'est nouveau, ça vient de sortir. On va une dédicace, je n'ai qu'à ça passer, on va écouter Sylvie Plus, les fiancées d'Auvergne, donc de Verchuren, bien sûr, très connue. Et c'est de la part de Monique de Vinci, qui se trouve actuellement en vacances du côté de l'Auvergne, et même en Auvergne, que j'ai vu tout à l'heure au bout du fil, non pas l'Auvergne, mais Monique, et c'est dédicacé pour le plaisir de Christiane à Saint-Jean de la Ruelle. Voici Sylvie Plus. Sylvie Plus, que voilà. Celui qui m'attend, il me garde son amour. pas le printemps. Mais tous les fiancés d'Auvergne ne vivent pas simplement d'espoir pour prendre aussi la part de peine. Je suis partie au hasard. Réussir sa vie n'est pas facile. Il faut du courage et de la volonté. Réussir sa place dans la grande ville, c'est pour gagner le droit de bâtir un foyer. Et ça tourne, ça tourne. Eh bien voilà, c'était donc Sylvie Pulès, et ceci pour Christiane de Saint-Jean-d'Orval. Frédéric, maintenant, nous joue Jolie Dordogne. Thank you. quelques hommes peignaient déjà sur les rochers. C'est qu'ils avaient trouvé après avoir tant voyagé le pays qu'ils cherchaient. Aujourd'hui des paysages sont toujours aussi beaux, aussi belles des rivières, aussi frais des ruisseaux. Jolie, jolie Dordogne, berceau de l'histoire du temps. Jolie, jolie Dordogne, tu gardes le charme d'antan. Et il fait bon vivre, pays qui sent bon le bonheur. Plus belle quand t'es libre, pour toi j'ai le goût, le cœur. actuellement, je vous laisse en compagnie de Luis Godinho, un accordéoniste portugais. Et c'est de ma part pour Luis et son épouse qui viennent de m'appeler tout à l'heure. De ma part pour Algemiro et José s'il m'écoute. Frédéric, et ce sera les fiancés d'Auvergne, tout simplement, très connus bien sûr, mais toujours appréciés. Et c'est de la part de Christiane de Saint-Jean-d'Arvel pour remercier Monique de Vinci, mais qui est du côté de la Bourboule actuellement, à qui on souhaite bien sûr un bon séjour en Auvergne, avec des gros énormes, comme dit l'autre, bisous de la part de Christiane. Et elle nous écoute sur Internet en Auvergne. We'll be right back. 19h49 à la pendule de Radio Arc-en-Ciel. Je vous laisse quelques instants en compagnie des troubadours des bruyères. Les troubadours des bruyères. We'll be right back. retour maintenant à l'accordéon musette avec Alain Maillot qui nous interprète. Il nous interprète le coucou musette. Sur la FM en couleur, on retourne en Auvergne avec André Thivet et le premier morceau, Les Ventres Noirs, une bourrée. Et on continue bien sûr avec Alain Maillot maintenant, ce sera la boudeuse. Tartre maintenant, les roses de la Catalogne. Thank you. cette nuit sous le ciel étoilé. Je ruinerai près de toi si tout blanc que les souvenirs de nos plus beaux étés. Je rappelle les horaires, les jours et horaires de mes émissions. Il n'y a pas d'accordéon le samedi. C'est une grille spéciale en fonction des événements. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de changements. Le dimanche, donc, musette et accordéon de nos régions de 13h à 15h30. Et le lundi, musette encore. Mais j'étais encore, pour les amateurs de chansons anciennes, c'est le lundi de 14h à 16h. On écoute maintenant André Thivet, ma cantalienne. La FM en couleur. C'est beau l'Auvergne, c'est vrai. En vrai, tu es. Tu joues André Tivet, ô terre d'Auvergne. Parfum, tes fleurs sont au fond de mon cœur. Aux terres d'Auvergne, l'écho qui m'appelle, c'est une chanson qui me redit ton nom. Dans le vallon, je le revois mon village, où dorment les souvenirs de mes 20 ans. J'entends le vent qui me dit dans les feuillages, nous t'attendons depuis longtemps. Terre d'Auvergne, c'est toi la plus belle. Mon parfum, tes fleurs sont au fond de mon cœur. Terre d'Auvergne, je te suis fidèle. Pays de mes amours, je t'aimerai toujours. C'est toi la plus belle, ton parfum, tes fleurs sont au fond de mon cœur. Aux terres d'Auvergne, je te suis fidèle, pays de mes amours, je t'aimerai toujours, je t'aimerai toujours, je t'aimerai toujours. Avec Erika, la princesse belge de l'accordéon. On écoutera Erika tout à l'heure avant de terminer l'émission. Dernière dédicace cet après-midi, c'est pour le plaisir personnel de Micheline. Oui, Micheline que avec qui j'ai communiqué téléphoniquement voilà quelques temps. Ça rappelle des souvenirs. On va écouter La Curée par l'orchestre Dominique et Stéphanie Floquet.